Bob Marley. Je vous ai dit d'être carré. Donc toi tu fais. Toi. Toi. du Seigneur. Dis-moi, où sont tes fidèles?

Thank you. cha-cha. Thank you.